Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Est-ce que cette catégorie englobante, Dieu, est bel et bien valable pour parler des autres? Cette semaine, de la question religieuse. La notion de religion, en fait, est une notion moderne, est une notion qui date du XVIIIe siècle, en gros. Monothéisme, polythéisme, un vocabulaire interrogé. Cette notion de monothéisme, comme celle de polythéisme, ne correspond à rien. D'ailleurs, la plupart des historiens des religions antiques rejettent ces notions et passent leur temps à en faire la critique. Quand on considère à partir d'où cette question commence sérieusement à se poser, on découvre qu'elle vient essentiellement des penseurs chrétiens. Comme hier, nous retrouvons Daniel Barbu pour parler avec lui de cet atelier de recherche, ainsi qu'il l'a nommé à la toute fin de l'émission de la veille, qui a réuni un certain nombre de ses collègues pour réfléchir, retravailler deux termes, monothéisme et polythéisme. Je vous renvoie à l'entretien d'hier pour en savoir un peu plus. La question par laquelle je voudrais peut-être démarrer, Daniel Barbu, c'est pour travailler, mettre sur l'ouvrage de pareils propos, vers qui s'agit-il de se tourner? Comment vous avez fait votre casting et qu'est-ce qu'il s'agissait de réunir? Alors, c'est vrai que moi, j'ai été, si vous voulez, formé à l'histoire des religions par Philippe Bourgeot à Genève, qui nous a toujours appris qu'un historien des religions était à la fois un spécialiste d'un terrain et quelqu'un capable de s'intéresser à d'autres terrains. Parce que, si vous voulez, le terrain en soi, que ce soit la Grèce ancienne, Rome, le judaïsme antique, le christianisme médiéval, a peut-être moins d'intérêt du point de vue d'une histoire des religions qui se voudrait généraliste que les questions qu'on est capable d'en extraire et de mettre en confrontation, de croiser avec les spécialistes d'autres terrains. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse se situe à un niveau supérieur de réflexion, de questionnement, une sorte de méta-questionnement. Donnez-nous un exemple pour qu'on puisse l'approprier. Pensons au mot religion. Les spécialistes du protestantisme ont une idée très précise de ce dont il s'agit lorsqu'ils parlent de religion. Mais est-ce que la définition intuitive qu'ils ont fonctionne pour discuter avec des spécialistes, disons, de l'Inde? Ou peut-être que les notions de spiritualité, de croyance, d'individu sont moins importantes que d'autres notions comme la coutume, la fête, les rituels, etc. Donc il faut trouver un langage qui permette à des spécialistes de différents terrains de communiquer, de poser des questions ensemble pour arriver à un niveau de généralité supérieure, qui me semble quand même être le but, si vous voulez, de l'opération scientifique. Mais où va-t-on puiser dans ces cas-là? Il y a différentes manières de procéder, mais c'est vrai qu'il faut trouver des gens qui soient à la fois formés à l'étude d'un terrain spécifique, mais curieux, et qui aient envie d'aller discuter avec des spécialistes d'autres terrains. De voir un peu quelles sont les questions qui nous séparent, quelles sont les questions qui nous rapprochent, et finalement d'être d'accord sur le fait que quel que soit le terrain ou la religion, si vous voulez, spécifique, le territoire sur lequel l'on travaille, ce qui nous intéresse d'une part, c'est la manière dont on conçoit nos cartes, c'est-à-dire une réflexion épistémologique, et d'autre part, d'essayer de discuter avec les spécialistes d'autres territoires pour voir ce qui surgit de cette confrontation et de définir, en fait, si vous voulez, les outils mêmes de la science, notamment les catégories que les savants emploient lorsqu'ils parlent de tel ou tel phénomène social ou culturel, que ce soit la religion, la politique ou autre. Donc pour le casting, comment avez-vous opéré? Bon, il y a toujours un côté un peu ad hoc, parce qu'on travaille a priori avec des gens qu'on connaît, et je me suis dit qu'il était nécessaire de mettre ensemble des spécialistes justement de différents terrains, mais que je savais être prêt d'une part à discuter avec des spécialistes d'autres terrains, et que je savais d'autre part être animé par un questionnement similaire sur finalement, par exemple, Vinciane Pirène Delforge, qui est une spécialiste de la religion en Grèce ancienne, professeur belge, désormais en poste au Collège de France. Tout à fait. Et qui se pose la question de savoir, finalement, qu'est-ce que c'est que la religion grecque? Voilà. Elle est nommée professeur au Collège de France pour travailler sur la religion grecque. Mais il faut savoir qu'en grec ancien, il n'y a pas de mot pour dire la religion. Que les Grecs ne faisaient pas forcément le découpage conceptuel religion, politique, société, culture, de la même manière que nous le faisons. Du coup, nous imposons, en parlant de religion grecque, un découpage conceptuel qui est en partie artificielle, qui est de notre fait. Et donc, nous imposons nos questions, si vous voulez, aux données issues du monde grec ancien. Et je sais que Vinciane, pour citer cet exemple, est attentive à ce questionnement, se pose la question de savoir ce qui la légitime, finalement, en tant que spécialiste de la religion, à aller dans un terrain où le monde n'est pas découpé en religion, non-religion, il n'y a pas forcément de distinction entre la religion et la politique telle qu'on la ferait, nous. Moi, ça m'intéresse parce qu'en retour, je pense que beaucoup des questions qu'elle extrait de ces terrains sont susceptibles de nous interroger en retour, parce que nous sommes très prompts à faire de belles divisions bien nettes entre religion et politique, religion, laïcité, etc. Ce qui m'intéresse, c'est de voir justement qu'en vérité, les choses sont un petit peu plus complexes. Mais ne deviennent-elles pas, pardon de vous interrompre, Daniel Barbu, mais de ce fait-là, ne sont-elles pas, c'est peut-être des critiques qui sont formulées, comme une multitude d'objets culturels à travailler ? C'est-à-dire ? Comme si le terme de religion ou la zone religieuse mettait à l'abri du reste des pratiques, des usages d'une société. Est-ce qu'une pratique ou des rituels dans une société ancienne n'est pas à considérer comme une pratique culturelle comme une autre ? Je la pose sans doute très mal. Hein. Vous soulevez un point important parce que c'est une critique que formulent les anthropologues depuis très longtemps, qui nous rappelle évidemment que le mot et la notion de religion sont une notion qui est issue d'une tradition théologique. Ce découpage de la culture en ce qui serait de la religion, pourquoi, à quel titre, et ce qui n'en serait pas, pourquoi et à quel titre, là aussi, est un découpage quand même issu d'une tradition théologique, c'est-à-dire d'une tradition qui réfléchit sur le religieux, sur les dieux, sur la place des dieux dans l'univers, sur le rapport entre les hommes et leurs dieux, et qui du coup place évidemment la question du dieu, de la divinité, etc., au centre de la définition de la religion. Or, pour les anthropologues, il y a quelque chose qui est là éminemment problématique, parce qu'on écarte du champ d'investigation toutes sortes de pratiques culturelles et sociales qui, du coup, ne sont pas considérées sous le même angle, alors qu'au fond, elles sont éminemment semblables ou nécessiteraient au moins d'être comparées. Et donc, effectivement, la critique anthropologique de cet usage de la catégorie de religion, c'est que en découpant ainsi un champ d'expérimentation, un champ d'analyse qui serait celui de la religion bien distinct des autres champs d'analyse sociaux et culturels, on protège la religion de la critique, on transpose, si vous voulez, notre manière de penser la religion comme un objet à part dans des terrains et des contextes où les choses n'étaient peut-être pas découpées ainsi. Alors j'entends cette critique, je pense qu'elle est tout à fait légitime. J'entends le mais. Mais je ne pense pas qu'elle nous interdise de faire usage de nos catégories et de nos concepts parce que nous devons parler. Nous sommes des scientifiques, nous sommes des savants qui analysons quand même le monde social et culturel et il nous faut des outils, il nous faut des mots pour en parler. Ce qu'il faut, c'est avoir il faut garder en tête le fait que ces mots et ces catégories sont d'une part imparfaits, d'une part doivent être soumis à une interrogation permanente. Et surtout qu'ils ne sont, comme je vous le disais l'autre fois, ils ne sont que des cartes. Ils ne se confondent pas avec les réalités empiriques que nous observons. Mais nous avons besoin de mots, nous avons besoin de parler de politique, de social, de religion, de culture, avec justement la conscience que ces choses-là sont imbriquées et artificielles. Mais il nous les faut, parce que sinon nous ne pouvons simplement pas étudier nos terrains. Nous ne pouvons pas les traduire en nos termes, nous ne pouvons pas discuter avec des collègues d'autres terrains, parce que la discussion implique une forme de traduction. Si moi j'étudierais, disons, la Chine, et je me contente de rester au niveau de la langue chinoise, comment puis-je discuter avec un spécialiste de la Bible hébraïque et essayer de tirer ensemble, de monter en généralité, d'en déduire une réflexion véritable sur ce qu'est la religion comme phénomène social, culturel, sa place dans le monde, son histoire, etc. On doit traduire. Et donc, on doit utiliser nos catégories. Et d'autre part, on doit aussi traduire, ça fait partie de notre rôle, et c'est pour ça que je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui, on doit aussi traduire pour traduire notre réflexion, traduire ce qui ressort de nos échanges, de nos discussions, vers l'extérieur, au-delà, si vous voulez, de la citadelle académique. Et pour cela, comment faire sinon que d'employer nos mots, nos catégories ? Il se trouve que les historiens de religion réfléchissent depuis longtemps sur la notion de religion, ses définitions, ses différentes manières d'être définies, qu'on soit anthropologue, sociologue, historien, théologien, on vient tous avec un regard, un angle d'attaque, si vous voulez, quelque peu différent sur ce qui constitue la religion. Mais il y a aussi une définition qui est celle du tout venant, qui est celle commune, avec laquelle nous sommes aussi, à quelque part, en échange permanent, en dialogue, et que nous devons prendre en compte, à la fois pour l'interroger, mais aussi pour peut-être expliquer ce que nous faisons et en quoi ce que nous faisons peut avoir un intérêt au-delà de la discussion, si vous voulez, strictement académique, interne. Alors, une question évidemment à 10 000 dollars me vient à l'esprit, vous pouvez l'imaginer, Daniel Barbu, en vous entendant, y a-t-il eu un moment dans cet atelier de recherche l'interrogation même du terme « Dieu » ? Il m'a semblé que oui, vu que vous avez eu la gentillesse de me faire parvenir l'enregistrement de vos échanges. Il me semble même que ce mot-là est aujourd'hui, par vous ou par vos collègues, objet d'interrogation. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments de cela ? Alors, oui, il s'agit de s'interroger simplement. Sur ce que signifie ce mot. Parce que c'est un peu comme la religion, si vous voulez. C'est-à-dire que nous venons avec ce mot et cette catégorie dans nos bagages, et puis nous allons ailleurs, dans le temps et dans l'espace, et nous disons, ah bah regardez, eux aussi, ils ont des dieux, ça fonctionne un peu comme chez nous, mais c'est un peu différent. Donc si vous voulez, ces catégories, qui sont quand même marquées par une pensée effectivement eurocentrique, deviennent les critères d'analyse des autres. Ils deviennent le terme de la comparaison. C'est-à-dire que l'on va comparer ce que l'on voit chez les autres à partir des notions et des catégories que l'on n'a chez soi. La question c'est, est-ce que c'est une démarche scientifiquement valable ? Sans doute, dans une certaine mesure, mais avec des pincettes, des précautions. Comment dit-on Dieu ? Ou ce que nous appelons Dieu en japonais, en araméen, en arabe, dans les langues tupi-guarani ? Est-ce que ça correspond exactement à ce que nous avons ici ? Quelles sont les différences ? Quelles sont les ressemblances ? Est-ce que cette catégorie englobante, Dieu, est bel et bien valable pour parler des autres ? Que mettons-nous à l'intérieur ? Qu'excluons-nous de cette catégorie ? Alors là, on va voir qu'effectivement, on est très prompt à inclure lorsqu'on va à l'extérieur. Il y a toutes sortes de choses qui sont différentes, hypostases, instances, forces surnaturelles, qui vont du plus petit démon, disons, à des forces cosmologiques supérieures. Mais chez nous, on fait très attention à distinguer. Dans notre vocabulaire indigène, on sait très bien que la Vierge n'est pas Dieu, que les saints ne sont pas Dieu, que les saints sont différents les uns des autres, que Jésus n'est pas le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit n'est pas Dieu le Père. Là, il y a de l'entomologisme, alors qu'ailleurs, c'est une sorte voyage à moyenne altitude. Et donc, on se rend plus compte que dans notre propre discours indigène, on fait une différence spectrale, infinitésimale, entre différentes formes d'entités, dont on sait très bien qu'elles n'ont pas forcément la même hiérarchie, le même pouvoir, etc. Mais quand on va à l'extérieur, bon, ça devient beaucoup plus simple. Alors, il faut quand même remettre cette question sur l'établi, comme vous le dites, il faut se poser la question, finalement, très bien. Alors, qu'est-ce qui, dans le christianisme médiéval, constitue la différence, non pas en termes théologiques, non pas en termes de discours théologiques, mais en termes purement sociaux, anthropologiques, entre un saint et Jésus ? Vers qui s'orientent les rituels ? De quelle manière ? Les pèlerinages, il y a énormément de pèlerinages vers les saints, par exemple, qui sont quand même considérés comme ayant des forces surnaturelles, des capacités d'agir sur le monde, de guérir, de donner la fortune, de donner l'amour, de jeter des sorts. Et donc, ce que l'on appelle un peu facilement quand même la religiosité populaire, qui est une manière de la reléguer, si vous voulez, en dessous des choses qui comptent vraiment ou qui devraient compter vraiment pour les savants. La médecine de grand-mère. La médecine de grand-mère, oui. Bah écoutez, la médecine de grand-mère constitue la société, la culture des gens, etc. Et je suis pas sûr que les grand-mères ou autres soient aussi prompts que les grands théologiens à discuter des raffinements, de la différence entre les trois personnes du Christ, etc. Donc vous voyez, c'est là où la notion de Dieu pose problème, parce qu'elle exclut de notre raisonnement, qui devrait quand même être anthropocentré, c'est-à-dire notre raisonnement en tant que sciences humaines, c'est de réfléchir sur comment les hommes fonctionnent, pas comment les dieux fonctionnent, parce que ça on n'en sait rien, mais nous on réfléchit sur la manière dont les hommes fonctionnent. Alors dans la manière dont les hommes fonctionnent, il y a certes des dieux, mais il y a toutes sortes d'autres choses. Donc est-ce que la catégorie Dieu suffit à les inclure ? Est-ce qu'elle n'a pas des apories, un côté exclusif, etc. Et est-ce qu'elle est pertinente ou suffisante pour aller voir ailleurs ? J'ai pas les réponses à ces questions, mais je pense que c'est un peu le but de ce type de rencontre, je pense qu'il faut se les poser. Voilà. Il ne s'agit pas forcément d'y répondre, mais il s'agit d'en avoir conscience, d'être réflexif, et encore une fois, de réfléchir à nos cartes. Histoire vivante, cette semaine, monothéisme, polythéisme, un vocabulaire interrogé. Daniel Barbu, vous nous l'avez dit, un homme à compter dans votre parcours, dans votre formation, c'est Philippe Bourgeot. Il y a des gens qui vous amènent à interroger et à questionner les choses, le monde, un objet, que sais-je, d'une certaine manière, d'un certain point de vue. Est-ce que vous vous attendiez, je vais faire appel à votre mémoire, est-ce que vous vous attendiez, quand vous vous êtes embarqué dans la direction Histoire des religions, à vous interroger tel que vous vous interrogez maintenant ? Non, pas du tout. Je pense qu'il y a une grande part de hasard dans tout parcours. Parce que c'est fascinant, hein, de l'extérieur, je veux dire, quand on n'est pas du tout, comme c'est mon cas, quand on ne baigne pas du tout dans ces questions-là, vous les entendre, les exposer comme vous nous les exposez, c'est totalement fascinant. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on a devant nous un monde que l'on croyait avoir un peu envisagé, qu'on envisageait d'ailleurs à distance avec une certaine forme d'état de poussière, et qui est tout d'un coup, là, brille par la réinterrogation. Alors, je vous remercie. Je sais c'est un vous collectif, hein, c'est oui. Voilà. Moi, si vous voulez, j'ai l'impression que ce qui m'a intéressé, et ce que j'ai trouvé dans ma formation et dans mon parcours, c'est une réflexion critique. Il m'a semblé que l'histoire des religions ouvrait les portes vers une réflexion critique qui ne soit pas nécessairement seulement sur ce que l'on appelle les religions, mais qui puisse s'ouvrir à toutes sortes d'autres problématiques. Et ce qui me semble important, si vous voulez, d'enseigner, lorsque l'on est en contact avec des enseignants, avec des étudiants, excusez-moi, ce n'est pas d'être les spécialistes de telle ou telle religion. De mon point de vue, je ne nie pas que ce soit légitime pour d'autres de le faire, de mon point de vue, c'est de les entraîner à réfléchir de manière critique, de regarder les textes que nous avons, de se demander qui les a écrits, pour qui, quand, contre qui, dans quel contexte. Quels que soient les textes que l'on regarde, les images que l'on regarde, qu'il s'agisse de traditions que l'on appellera religieuses ou non. Un autre auteur qui m'a énormément influencé dans mon parcours, c'est un auteur américain qui est décédé il y a peu, qui s'appelait Jonathan Smith, qui est aux États-Unis un grand classique, si vous voulez, des sciences religieuses, mais qui est très peu connu dans le monde francophone européen. La raison pour laquelle Nicolas Mélan et moi-même avons publié une traduction de certains de ses essais, dont un essai qui s'intitule d'ailleurs « Les cartes ne sont pas des territoires ». Décidément. Et qui nous rappelait aussi à notre devoir en tant qu'enseignant, si vous voulez. Il disait, écoutez, la plupart de vos étudiants feront peut-être un bachelor, un premier cycle en sciences humaines, en histoire des religions, et puis ensuite ils continueront leur vie comme tout un chacun. Alors, qu'est-ce que vous leur apportez? Est-ce que ça sert à quelque chose de leur apporter des informations de détail sur les dieux, les panthéons et les rites à Sumer ou dans le temple de Jérusalem? Ou est-ce qu'à travers ces exemples, vous êtes capable de les amener à réfléchir sur leur propre monde? Et il me semble que c'est effectivement l'option que moi-même et certains des collègues autour de moi, et notamment ceux que j'ai invités lors de cette rencontre, sont quand même un peu plus dans cette opinion, et c'est pour ça qu'ils sont prêts, si vous voulez, à discuter ensemble, pour réfléchir sur ce qui peut constituer dans chacun de nos cas, chacun de nos terrains, chacun de nos exemples, une réflexion globale, critique sur le monde, sur la politique, sur la religion, sur la société, sur la culture. La religion, de ce point de vue-là, est une porte d'entrée. Elle n'est pas un objet, c'est là toute la différence avec le théologien, si vous voulez, elle n'est pas un objet en soi, qui primerait sur les autres, qui serait privilégié. Elle est une porte d'entrée pour réfléchir en tant que sociologue, qu'historien, qu'anthropologue sur notre monde, sur les manières dont les êtres humains l'habitent. Daniel Barbu, je ne peux pas résister, pour clore cette deuxième émission, à vous poser la question qui me traverse l'esprit en vous entendant. Avez-vous le sentiment que ce travail d'ouverture et de défrichage que vous opérez, notamment pas seulement destiné à votre communauté et vos collègues, mais également vers la cité, va comme à rebrousse-poil de la façon dont la planète avance. Dans un temps où certaines religions semblent de plus en plus se tendre, se crisper, voulant affirmer violemment parfois leur vérité, est-ce que vous ne prêchez pas en ce moment, si je peux me permettre, dans le désert? Et je pense que en ce moment, une réflexion sur la religion est d'autant plus nécessaire. Et je regrette que, par exemple, dans un pays comme la France où je travaille, il n'y ait pas d'enseignement universitaire spécialement, ou très peu d'enseignement universitaire spécialement destiné à une histoire critique des religions, une histoire comparée des religions. Il y a très peu de chaires et très peu de programmes de master dédiés à ce type de questionnement, ce qui est une exception. Dans le Collège de France faisant exception peut-être dans le paysage français. Mais le Collège de France, si vous voulez, n'est pas une institution universitaire traditionnelle. C'est-à-dire, vous n'avez pas d'étudiants qui s'inscrivent, vous n'avez pas d'examen, il n'y a pas de cursus de bachelor, il n'y a pas de cursus de master. Donc effectivement, il existe des institutions de ce type qui constituent des exceptions. Il y a énormément de laboratoires de recherche du CNRS qui travaillent en histoire des religions et qui travaillent sur ces domaines. Mais si vous voulez, à partir du moment où l'on considère que l'une des tâches de la discipline est justement d'ouvrir à une réflexion critique, au même titre que la sociologie ou l'anthropologie, il me semble nécessaire de l'introduire dans les cursus universitaires, mais pas pour introduire un enseignement sur la religion ou sur les religions, mais bien justement pour introduire une réflexion critique sur ce qui constitue cet objet dont on nous parle en permanence et qui semble effectivement aujourd'hui de plus en plus constitutif des identités, les uns se définissant par rapport aux autres en termes de religion. Dans les médias, aucune émission dédiée n'existe, à ma connaissance. Alors je pense pas, et évidemment le problème auquel on est fréquenté, c'est que lorsque des émissions dédiées existent, et c'est le cas notamment sur la radio suisse romande, elles ne prêchent pas par leur esprit critique, disons, c'est pas ce qui les caractérise. On entend souvent des gens qui sont plutôt des théologiens bien pensants venir présenter sur les ondes dans quelle mesure leur point de vue devrait s'étendre à la planète entière. Je pense à ce qui s'est passé récemment à Genève lorsqu'il y a eu une exposition consacrée au Dieu, Dieu mode d'emploi, exposition pour laquelle aucun spécialiste n'a véritablement été consulté. Et on s'est retrouvé devant une espèce de machin pour lequel le Conseil d'État genevois a quand même dépensé 1 million de francs suisses, forcé les élèves, enfin contraint les classes d'histoire du cycle à s'y rendre, et pour entendre une espèce de bonne parole, bien pensante, très protestantismo-centrée, sur ce qui constitue la religion et ses manières de la pratiquer dans le monde. Alors bon, j'ai écrit là-dessus ailleurs, je veux pas forcément revenir sur cette question, mais on voit bien comment lorsque la question apparaît dans les médias, le terrain est très vite occupé plutôt par des théologiens et des gens qui sont là pour protéger la religion de la réflexion critique. Et pourtant, on le sait, Le public s'est montré nombreux devant la télévision, devant les écrans, au moment, il y a maintenant un grand nombre d'années, et Histoire Vivante en avait fait aussi une part de sa diffusion, ont été diffusés les films du couple Mordia Prieur, j'entends Origine du christianisme, Corpus Christi, etc. Ça faisait des succès d'antenne. Donc le public s'intéresse, partage ou non, peu importe, mais en tout cas, est assez gourmand de ces questions. Je pense que le public est assez gourmand de ces questions. Je pense qu'il est difficile de rendre certaines de ces questions accessibles au public, mais il y a une demande. Je pense que cette série de Prieur et Mordia était excellente. Bon, après, je comprends que pour certaines personnes, ce soit difficile de regarder... C'est assez ascétique, oui. Voilà, c'est enfin, assez ascétique en termes de format. Mais au moins, on était dans une réflexion critique et il y avait des points de vue qui n'étaient certes pas les mêmes, mais qui étaient mis ensemble sur la table. On avait l'occasion d'entendre différentes perspectives sur des questions, mais qui étaient quand même des questions qui touchaient essentiellement à l'histoire du christianisme, de la Bible. Donc, c'est une réflexion au cœur de laquelle... notre identité est quand même mise à part, si vous voulez, d'une réflexion plus générale, plus comparatiste, où on essaierait de réfléchir finalement sur la Bible, oui, et les autres textes sacrés ailleurs, qu'en est-il, par exemple ? Quel est leur statut ? Comment est-ce qu'on compare ces différentes choses ? Qui les ont écrites, où et quand ? Comment est-ce qu'elles sont vénérées ou non dans différents contextes ? Et il me semble que ça permet justement d'ouvrir à tout un type de questions d'ordre plus général. Demain, suite de cette thématique, et c'est dans le colloque lui-même que nous pénétrerons en découvrant les interventions de plusieurs participants autour du thème monothéisme et polythéisme. Merci à Daniel Barbu d'avoir, à ce sujet, enregistré et transmis ces éléments que vous pourrez découvrir dès demain ou sinon sur le site de l'émission. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de David Golan, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch.